Melmoth ou l'homme errant de Robert Mathurin, chapitre 26. Le manuscrit que le juif Adonias m'avait chargé de copier, continua Manchada, offrait en cet endroit plusieurs pages illisibles. Adonias lui-même ne fut pas en état de les suppléer. J'en distinguai néanmoins qu'Isidora permit imprudemment à son mystérieux amant de continuer à fréquenter le jardin la nuit, et qu'elle causait avec lui par la fenêtre. En attendant, elle ne put obtenir qu'il se déclarât à sa famille. Peut-être craignait-elle elle-même que sa demande ne fût mal reçue. Connaissant la contrainte sévère et l'extrême régularité qui régnait dans la maison, elle éprouvait intérieurement quelque surprise de la facilité avec laquelle Melmoth paraissait les défier l'une et l'autre, et se trouvait ainsi en état de visiter le jardin tous les soirs. Mais telle était l'influence que conservait sur elle son existence romantique, que la présence de son amant, malgré les circonstances extraordinaires dont elle était accompagnée, ne lui inspira jamais le désir de faire une seule question sur les moyens qu'il paraissait avoir de vaincre des difficultés insurmontables à tout autre. Deux circonstances étaient surtout frappantes dans leur réunion. Après s'être séparés dans une île de la mer des Indes, ils se revoyaient, au bout de 3 ans, en Espagne, et ni l'un ni l'autre n'avaient songé à s'informer des aventures qui avaient précédé une rencontre si singulière et si inattendue. Il était facile d'expliquer ce défaut de curiosité de la part d'Isidora. Sa première existence avait eu un caractère si fabuleux et si fantastique que les choses les moins probables lui étaient devenues familières, tandis que les choses les plus simples lui paraissaient seules sans probabilité. Des merveilles formaient son élément naturel, et elle était moins surprise de revoir Melmoth en Espagne qu'elle ne l'avait été la première fois qu'elle l'avait rencontré dans cette île. Un motif tout à fait opposé faisait sur Melmoth un effet semblable. Sa destinée lui défendait également la curiosité et la surprise. Le monde ne pouvait lui offrir de merveilles plus étonnantes que sa propre existence. Et la facilité avec laquelle il passait de région en région, se mêlant aux hommes sans avoir rien de commun avec eux, semblable à un spectateur fatigué et accablé d'ennui, qui erre de place en place dans une vaste salle de spectacle où il ne connaît personne, cette facilité eût prévenu en lui l'étonnement quand il eut rencontré Isidora sur le sommet des Cordillères. Pendant un mois entier, elle ne cessa de permettre des visites nocturnes, quoique, pour dire la vérité, à une distance qui aurait empêché même à la jalousie espagnole de s'en formaliser, car le balcon de sa fenêtre était à près de 14 pieds au-dessus du niveau du jardin où Melmoth se tenait. Durant le cours de ce mois, Isidora passa rapidement, mais imperceptiblement, par toutes les phases du sentiment que ceux qui ont aimé ont tous connu, soit que leur passion ait eu un cours tranquille, soit qu'il ait été semé d'obstacles. Au commencement, elle était pleine du désir, à la fois d'écouter et de se faire entendre. Elle brûlait de raconter toutes les merveilles de sa nouvelle existence. Elle éprouvait, sans s'en rendre compte, ce désir vague et dépourvu de tout sentiment d'amour-propre, qui porte cependant à déployer, en présence de l'objet que nous aimons, toute l'éloquence, tous les talents, tous les attraits que nous possédons, dans l'espoir seul d'augmenter notre prix à ses yeux. Nous nous glorifions alors de l'hommage que la société nous accorde, dans l'espoir de sacrifier ces hommages à notre bien-aimé. Il nous semble que les éloges que nous recevons nous rendent plus dignes des siens. Quant à Isidora, Même dans cette île où Melmoth avait assisté, pour ainsi dire, à l'aurore de son intelligence, elle avait senti en elle-même le germe des talents dont elle ne s'enorgueillissait point. Son estime pour elle-même augmenta avec son attachement pour lui. Sa passion devint son orgueil. Et quand son esprit commença à s'étendre, elle s'imagina qu'en voyant l'admiration qu'elle inspirait par son amabilité, ses talents et ses richesses, cet homme si fier, si bizarre, finirait par s'humilier devant elle, ou du moins par reconnaître le pouvoir de ses talents qu'elle avait eu tant de peine à acquérir depuis son entrée involontaire au sein de la société européenne. Elle avait entretenu cet espoir dans le commencement de ses visites, mais quelque innocent et quelque flatteur qu'il fût pour l'objet auquel il s'adressait, cet espoir fut déçu. Pour Melmoth, il n'y avait réellement rien de nouveau sous le soleil. Les connaissances étaient pour lui un fardeau, et il n'avait rien à apprendre de personne. Les talents étaient des bagatelles sans valeur. La beauté était une fleur qu'il contemplait avec mépris et qui se flétrissait par son attouchement. Quant aux richesses et aux honneurs, il les appréciait ainsi qu'il le méritait, mais non avec ce tranquille dédain du philosophe ou ce pieux oubli du saint, mais avec cette indignation et ce désir avide de voir exécuter l'arrêt auquel ils ne doutaient pas que leurs possesseurs ne fussent condamnés. Mû par de pareils sentiments et par d'autres qu'il est impossible de décrire, Melmoth éprouvait un soulagement extraordinaire des flammes éternelles qui brûlaient déjà dans son sein, dans la fraîcheur parfaite et sans tache du cœur d'Imalie, car elle était toujours Imalie pour lui. Elle était comme l'oasis de son désert, la fontaine limpide à laquelle il s'abreuvait, et qui lui faisait oublier les sables brûlants par lesquels il venait de passer, et ceux plus brûlants encore vers lesquels sa course se dirigeait. Au bout de 8 jours, Isidora avait déjà renoncé à l'espoir de l'éblouir ou de lui inspirer de l'intérêt. À cet espoir qui, dans le cœur de la femme la moins coquette, naît en même temps que l'amour. Tous ses vœux, tout son cœur se concentrèrent, non plus dans l'ambition d'être aimée, mais dans le seul désir d'aimer. Elle ne parlait plus avec un orgueil innocent et naïf des talents qu'elle avait acquis, de son goût qu'elle avait cultivé. Elle ouvrait à peine la bouche et se contentait d'écouter. Elle le voyait longtemps avant qu'il parût. Elle l'entendait quoiqu'il ne parlât pas. Souvent il passait la nuit entière, Isidora fixant ses yeux alternativement sur la lune et sur son mystérieux amant, tandis que Melmoth, sans prononcer un mot, s'appuyait contre les colonnes de son balcon, ou contre le myrte touffu qui couvrait d'une ombre qu'il recherchait même la nuit, l'expression effrayante de sa physionomie. Le silence mutuel se prolongeait jusqu'à ce que, la vue de l'aurore, Isidora donna de la main le signal muet de leur séparation. Telles sont les gradations marquées d'un sentiment profond. Le langage n'est plus nécessaire à ceux dont les cœurs palpitants savent se faire entendre, dont les yeux se parlent plus clairement, même à la lumière affaiblie de la lune que la physionomie ouverte au grand jour. À ceux qui, éprouvant une joie exquise au renversement de tous les sentiments et de toutes les habitudes de la terre, trouvent la lumière dans les ténèbres et l'éloquence dans le silence. Pendant leur dernière entrevue, Isidora parlait parfois, mais c'était seulement pour rappeler à son amant, du ton le plus doux, la promesse qu'il lui avait faite de se faire connaître à ses parents et de la demander en mariage. Elle murmurait aussi, pour lors, quelques mots de sa santé qui dépérissait, de son courage qui l'abandonnait, de son espérance qui ne se réalisait point, de leur entrevue mystérieuse qu'elle se reprochait. En parlant ainsi, elle pleurait, mais elle lui cachait ses larmes. C'est ainsi, mon Dieu, que nous sommes justement condamnés quand nous nous attachons à tout autre qu'à vous. Avoir notre cœur repoussé comme la colombe qui parcourait l'océan sans rivage, et ne trouvait pas un endroit où poser le pied par une branche de verdure à rapporter dans son bec. Puisse l'arche de la miséricorde s'ouvrir pour de telles âmes, et leur accorder un asile contre ce monde orageux et ce déluge de courroux contre lequel elles ne peuvent combattre, et où elles ne trouvent aucun lieu de repos. Isidora était enfin arrivée aux dernières périodes de ce pénible pèlerinage, où elle avait été conduite à regret par un guide cruel. Durant le premier, elle avait essayé avec l'innocent artifice d'une femme à l'attacher en déployant devant lui tous ses nouveaux dons, sans se douter qu'ils n'étaient pas nouveaux pour lui. Dans le second, elle s'était contentée de le voir, mais maintenant, elle commençait à sentir que pour un amour si vif, un attachement si profond, elle méritait au moins un honorable aveu de la part de son amant, et que ce mystérieux délai, dans lequel son existence se dissipait, pouvait rendre cet aveu trop tardif. Quant à la fin, il s'y déciderait. Elle lui fit part de ses pensées, mais à toutes ses prières, dont les moins touchantes n'étaient pas celles où elle n'employait que les regards, il ne répondait que par un silence profond et inquiet, ou par des discours frivoles que leur sauvage et terrible saillie rendait plus effrayante encore. Parfois il paraissait même insulter au cœur dont il avait triomphé, en affectant de douter de sa conquête, de l'air d'un homme qui s'en glorifie et qui raille son captif, en lui demandant s'il est réellement enchaîné. « Vous ne m'aimez pas, disait-il alors. Vous ne pouvez pas m'aimer. L'amour dans votre patrie chrétienne doit être le résultat d'un goût cultivé, d'habitudes semblables, d'une heureuse ressemblance, de travaux, de pensées, d'espérances et de sentiments. Il est donc impossible que vous aimiez un être d'un extérieur repoussant, bizarre dans ses manières, sauvage et impénétrable dans ses sentiments, inaccessible enfin dans le but arrêté de son existence effrayante et sans crainte. « Non, ajoutait-il d'un ton mélancolique, mais ferme, vous ne pouvez m'aimer dans la position où vous a placé votre nouvelle vie. Jadis, mais ces temps sont passés. Maintenant, vous êtes un enfant baptisé de l'Église catholique, un membre de la société civilisée, l'enfant d'une famille qui ne connaît point l'étranger. Qu'y a-t-il donc entre vous et moi, Isidora? Je vous ai aimé, répondit la Vierge espagnole, d'une voix aussi pure, aussi ferme et aussi tendre que du temps où elle était la seule divinité de son île enchantée et fleurie. Je vous ai aimé avant d'être chrétienne. J'ai changé de croyance, mais mon cœur n'a point changé. Je vous aime encore, je serai à vous pour toujours. Vous m'insultez en paraissant douter de ce sentiment que vous ne cherchez à analyser que parce que vous ne le sentez pas ou ne pouvez pas le comprendre. Dites-moi ce qu'est aimer. Je vous défie, avec toute votre éloquence et vos sophismes, de répondre à cette question avec autant de justesse que moi. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'amour, ne le demandez pas à la bouche d'un homme, mais au cœur d'une femme. En me priant de vous expliquer l'amour, dit Melmotte avec un sourire amer, vous m'imposez une tâche qui m'est si agréable que je ne doute pas de la remplir à votre entière satisfaction. Aimer, belle Isidora, c'est vivre dans un monde que nous avons créé nous-mêmes et dans lequel les formes et les couleurs des objets sont aussi brillantes que fausses et décevantes. Pour ceux qui aiment, il n'y a ni jour ni nuit, ni été ni hiver, ni société ni solitude. Leur délicieuse mais illusoire existence n'offre que deux époques. La présence et l'absence. Elles tiennent lieu de toutes les distinctions de la nature et de la société. Le monde pour eux ne renferme qu'un individu, et cet individu est pour eux le monde lui-même. L'atmosphère de sa présence est le seul air dans lequel ils puissent vivre. et la lumière de ses yeux est le seul soleil de leur création. J'aime, se dit intérieurement Isidora. Aimer, continua Melmoth, c'est vivre dans une existence remplie de contradictions perpétuelles, sentir que l'absence est insupportable, souffrir presque autant dans la présence de l'objet aimé, être rempli de 10 000 pensées quand nous sommes loin de lui, songer au bonheur que nous éprouverons à lui en faire part, en le voyant, et quand le moment de notre réunion arrive, nous sentir, par une timidité également oppressive et insupportable, hors d'état d'exprimer une seule de ses pensées. Être éloquent en son absence et muet en sa présence. Attendre le moment de son retour comme l'aurore d'une nouvelle existence. Et quand il arrive d'être privé tout à coup de ses moyens auxquels il devait donner une nouvelle énergie. Guetter la lumière de ses yeux comme le voyageur du désert guette le lever du soleil. Et quand l'astre apparut, succomber sous le poids accablant de ses rayons et regretter presque la nuit. Ah, s'il en est ainsi, je crois bien que j'aime, dit à demi-voix Isidora. Aimer, poursuivit Melmoth avec une énergie toujours croissante, c'est sentir que notre existence est tellement absorbée dans celle de l'objet aimé que nous n'avons plus de sentiment que celui de sa présence, de jouissance que les siennes, de maux que ceux qu'il souffre. Aimer, c'est n'être que parce qu'il est, n'user de la vie que pour la lui conserver, tandis que notre humilité croît en proportion de notre attachement. Plus nous nous abaissons, moins notre abaissement nous paraît suffire pour exprimer notre amour. La femme qui aime ne doit plus se rappeler son existence individuelle. Elle ne doit considérer ses parents, sa patrie, la nature, la société, la religion elle-même. Vous tremblez, Immali, je veux dire Isidora, que comme des grains d'encens qu'elle jette sur l'autel du cœur. Oui, j'aime en effet, s'écria Isidora, et elle pleurait et tremblait en faisant cette terrible confession. J'aime car j'ai oublié tous les biens que l'on m'a dit être ceux de la nature et le pays dans lequel on m'a dit que j'étais né. Je renoncerai, s'il le faut, à mes parents, à ma patrie, aux habitudes que j'ai prises, aux pensées que l'on m'a enseignées, à la religion que je... Oh non, mon Dieu, mon sauveur, ajouta-t-elle en quittant précipitamment la fenêtre pour se jeter aux pieds du crucifix et l'embrasser. Non, je ne vous renoncerai jamais. Vous ne m'abandonnerez point l'heure de la mort. Vous ne me déserterez point à l'heure des épreuves. Vous ne me délaisserez point aujourd'hui même. À la lumière des bougies qui brûlaient dans sa chambre, Melmoth put la voir prosternée au pied de l'image sacrée. Il distingua cette dévotion du cœur qui le faisait palpiter d'une manière presque visible dans son sein d'albâtre. Ses mains jointes, qui paraissaient implorer des secours contre les mouvements de son cœur qu'elle cherchait vainement à réprimer, et qui ensuite se levaient vers le ciel, comme pour lui demander pardon de l'inutilité de leurs efforts. Il frémit en voyant la sincérité avec laquelle elle embrassait le crucifix. Il ne regardait jamais ce symbole sans détourner les yeux. Mais cette fois, il ne put les détacher d'Immali, agenouillé devant la croix. Il parut oublier pour un moment l'instinct infernal qui gouvernait son existence, et ne la regardait que pour le seul plaisir de la voir. Sa personne entière prosternée, ses riches vêtements, qui flottaient autour d'elle comme la draperie qui orne un autel inviolable. Ses beaux cheveux qui couvraient seuls ses épaules nues, ses belles mains blanches unies pour prier, la pureté d'expression qui semblait l'identifier avec ce qu'elle faisait. Tout cela lui donna l'air, non d'une mortelle suppliante, mais du génie même de la prière. On ne pouvait s'empêcher de penser que deux lèvres pareilles ne pouvaient converser qu'avec les habitants des cieux. Melmoth, qui éprouvait ce que je viens de décrire, sentait en même temps qu'il lui était à jamais impossible d'y participer. Il détourna la tête, avec une douleur morne et triste, et le rayon de lune qui vint éclairer son œil brûlant n'y rencontra point de larmes. S'il avait regardé un instant de plus, il aurait vu sur la figure d'Isidore une expression trop flatteuse, sinon pour son cœur, du moins pour sa vanité. Il y aurait remarqué cette profonde et dangereuse méditation de l'âme, déterminée à scruter les mystères de l'amour et de la religion, afin de se décider pour l'un ou pour l'autre. Cette pose sur le bord d'un abîme, cette pose qui fait trembler la balance entre Dieu et l'homme. Au bout de quelques instants, Isidora se releva. Il y avait plus de calme, plus d'élévation dans son air. On voyait aussi cette décision qu'un appel sans réserve au sondeur des reins ne manque jamais de communiquer, même au plus faible d'entre ces créatures. Melmotte, retournant à sa place sous la fenêtre, la regarda pendant quelque temps avec un mélange de surprise et de compassion. Mais se hâtant de repousser ses sentiments, il lui demanda quel gage elle était prête à lui donner de cet amour qu'il avait décrit, et qui était le seul qui en méritât le nom. Tous les gages que les enfants des hommes peuvent donner, mon cœur et ma main, ma résolution d'être à vous au sein du mystère et de la douleur, de vous suivre s'il le faut dans l'exil et dans la solitude. Tandis qu'il parlait, il régnait dans ses yeux et sur toute sa physionomie une sublimité radieuse qui lui donnait l'apparence d'un être céleste, réunissant à la fois la passion et la pureté. Il s'y joignait aussi quelque chose qui annonçait l'orgueil de la vertu, la confiance dans une faiblesse apparente et dans une énergie intérieure. Elle était là, comme une femme aimante, mais que son amour n'humilie pas, unissant à la tendresse la magnanimité, prête à tout sacrifier à son amant, excepté ce qui doit diminuer, à ses yeux, le prix du sacrifice, prête à être la victime, mais se sentant digne d'être la prêtresse. Melmotte la regardait fixement. Un sentiment généreux et humain fit battre momentanément son cœur. Il voyait sa beauté, son attachement, sa pure et parfaite innocence, son sentiment unique pour un homme qui, à cause de la puissance effrayante de son existence surnaturelle, ne pouvait rien éprouver pour aucun être mortel. Il en détourna les yeux, mais il ne pleura pas. « Eh bien, Isidora, dit-il, vous ne voulez donc point me donner de gage de votre amour? Est-ce là ce que vous voulez me faire comprendre? Demandez un gage qu'une femme puisse donner. Plus serait hors de mon pouvoir, moins rendrait le gage sans valeur. » Ces mots firent une si vive impression sur Melmotte, dont le cœur, quoique plongé dans des crimes impossibles à décrire, n'avait jamais été souillé par la sensualité, qu'il quitta soudain le lieu où il était, la contempla un moment, et s'écria ensuite « Oui, vous m'avez donné des preuves incontestables de votre amour. Il me reste à vous en donner un de cet amour que j'ai décrit, de cet amour que vous seul pouviez inspirer, de cet amour que, dans ces circonstances plus heureuses, j'aurais pu, mais n'importe. Il ne s'agit pas ici d'analyser le sentiment, mais d'en donner la preuve. » Consentiriez-vous donc à unir votre destinée à la mienne? Voudriez-vous réellement être à moi, au sein du mystère et de la douleur? Me suivriez-vous alternativement de la terre à la mer et de la mer à la terre, vous dévouant à moi sans connaître de repos, sans avoir de foyer, avec la marque sur le front et la malédiction sur votre nom même? Voudriez-vous vraiment, à ces conditions, être à moi? Être ma chère, mon unique Imali. Je le voudrais, je le veux. Eh bien, répondit Melmotte, recevez dans ce lieu la preuve de mon éternelle reconnaissance. Dans ce lieu, je renonce à votre vue. Je romps mon engagement. Je vous fuis pour jamais. En disant ces mots, il disparut.